chaque instant de mon enfance. Aujourd'hui, dès que je les entends, elles me font partir dans les souvenirs. Que les mots d'amour.